Je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée en 2006. J'ai rencontré une fille au large sourire. Je l'ai invitée à boire un café au bar d'à côté. Puis on s'est téléphoné, on ne s'est plus quitté. La fille au large sourire est devenue mon amie. Puis en mai de cette année, on s'est changé nos baisers. En 2010, on s'est fiancé, puis 5 années à ses côtés. Je vais l'épouser, je lui dirai oui pour l'éternité à la fille au large sourire.